qui tient encore doux, alors que des nuages noirs se rassemblaient au-dessus de nous. Le ciel ressemblait au plafond d'un de ces vieux théâtres baroques d'un autre temps. Et si quelque chose devait changer un jour sur l'île pacifiée de nos amours, et si quelque chose devait arriver, car on dit bien que rien ne dure toujours. Ils sont moins fiers, les grands palmiers. Ils ressemblent à de vieux plumeaux qui ne peuvent plus épousseter le ciel de sa noirceur, céleste obscurité. Et si quelque chose devait changer un jour sur l'île pacifiée de nos amours, et si quelque chose devait arriver, car on dit bien que rien ne dure toujours. C'est derrière nous cette ville et notre ancienne vie. Je regarde le paysage, je regarde mon amie. Elle dort, peut-être rêve-t-elle de nous. Si quelque chose devait changer un jour sur l'île pacifiée de nos amours, et si quelque chose devait arriver, car on dit bien que rien ne dure toujours.